Tu peux. Gérard, je te demandais, est-ce qu'il y a déjà des marabouts ou des sectes qui sont déjà appelés? Non, question marabout, donc je voulais faire allusion à Jean de Nevers. Tu veux faire allusion à qui? À Jean de Nevers. Donc je me bourre à chaque fois quand je prénomme son nom. Non. Donc bon, lui il se sert des cartes, mais t'en as beaucoup. Lui il se sert voilà. Des cartes, t'en as qui se servent des boules de cristal, t'en as d'autres qui se servent de dés.